Eh bien, Tel Jeune lance une nouvelle campagne de sensibilisation auprès des jeunes, bien évidemment, une campagne web, et on va en parler avec Patrick Dion. Il est auteur et chroniqueur web. Bonjour, Patrick. Bon matin. C'est une campagne en lien avec quelle problématique on tente de sensibiliser à quoi exactement? Ben, en fait, on tente de sensibiliser les jeunes. Tu sais, on va parler des jeunes ce matin, c'est difficile de parler à nos jeunes. Hein? Ils n'écoutent pas nos jeunes quand on leur parle. Ah, mais en fait, les jeunes, en général, sont peu intéressés par les canaux standards, la télévision, la radio. Les journaux même, ils lisent peu, mais ils sont par contre tout le temps sur Internet. Et c'est aussi une réalité qui les attire et qui les appelle. Donc, Tel Jeune a approché l'agence de publicité Commun, qui a accouché d'une campagne assez spéciale, particulière, avec une approche visuelle très, très web. On y voit des photos de type Instagram avec le mot « fail » intégré à l'image. Donc, on sensibilise la population. Le fameux fail, exactement. Donc, on sensibilise la population avec justement des sujets comme le sexe, l'intimidation, la consommation, le suicide, etc. Il y a 8 images, 8 sujets différents comme ça. Mais la bonne idée que Commun a eue, grâce à sa conceptrice, rédactrice Sophie Bienvenu, c'était d'intégrer le point d'interrogation au mot « ferme ». Donc, au lieu, le « ferme » est habituellement lié aux moqueries. Je veux dire, quand on regarde justement... C'est une affirmation, là. On regarde une vidéo de quelqu'un qui se plante sur Internet. Exactement, qui tombe. C'est un « ferme ». Exactement. Mais ici, on a ajouté le point d'interrogation qui fait qu'on se pose des questions. Est-ce que c'est vraiment un fail d'être malade parce qu'on a pris trop de boissons? Est-ce que c'est vraiment un fail de se suicider? Alors, je trouve ça vraiment particulier. Puis le fait d'apposer des filtres Instagram à ces photos-là, je trouve que ça donne une coche un petit peu plus justement à la campagne pour interpeller les jeunes. Donc c'est moins la culpabilisation, c'est plus la réflexion. Générer une réflexion. Ouais, exactement. Puis ce qui est le fun avec ça, c'est que ça va probablement faire parler les jeunes entre eux, ce qui habituellement n'est pas le cas avec des campagnes standards. Donc, on va sur le site de Tel Jeune, j'imagine? C'est sur la page Facebook de Tel Jeune et sur le site d'InfoPresse aussi, on peut en voir quelques-unes. Bravo, Commun et Tel Jeune. Et là, Patrick, je me sens tellement vieux à cause de toi. Ben, tu je suis déjà out alors que j'ai à peine 27 ans. Semble-t-il que Facebook et Twitter est out là maintenant auprès des jeunes? Ben, en fait, c'était à prévoir un jour. Je veux dire, Facebook et Twitter vont disparaître. Je suis désolé, tu peux pleurer tout de suite si tu veux. Mais va être remplacé par quelque chose d'autre. On savait pas quoi. Les devins se prononcent à chaque année en disant « Voilà, ça va être le prochain grand réseau social. Ça va remplacer Facebook et Twitter. » Et là, ce matin, on va parler de feed. Est-ce que ça va complètement remplacé Facebook et Twitter, peut-être pas pour toi et moi, parce qu'on est vieux, comme tu disais, mais parce que le public que l'on vise avec Feed, ce sont plutôt les jeunes. Donc, on vise les jeunes. D'ailleurs, la majorité des gens sur Feed ont entre 14 et 24 ans. 81% des membres de Feed ont entre 14 et 24 ans. Donc, on vise vraiment la génération Internet avec Feed. On écrit ça en passant P-H-E-E-D et non pas F-E-E-D. Donc, Feed, qu'est-ce que c'est? C'est un réseau social qui ressemble beaucoup à Twitter. Donc, on peut devenir abonné au fil de quelqu'un et en échange, cette personne-là peut nous suivre. Il y a aussi la notion de cercle, comme dans Google+, qui existe. Mais justement, tu disais, on peut lier nos comptes Facebook et Twitter, mais c'est un réseau qui existe très, très bien par lui-même aussi. Donc, on peut partager des messages, des images, des vidéos grâce à l'application mobile aussi, qui est très, très belle. On peut faire de la vidéodiffusion en streaming live, ce qu'on peut pas faire vraiment avec Facebook directement. On peut le faire, mais avec des moyens détournés, avec des plugins Newstream, entre autres. Mais Feed le permet via son application mobile. Donc, par exemple, tu es à un spectacle, puis au lieu de prendre des photos du spectacle, mais tu pourrais enregistrer une partie du spectacle et le présenter live à tes amis. Voilà, ben, c'est comme ça, en fait, qu'ils font leur publicité. Ça ne fera pas plaisir aux producteurs, ça? Probablement pas, mais il n'y a rien qui fait plaisir aux producteurs, de toute façon. Mais une chose qui est intéressante avec Feed, c'est qu'à chaque fois, on se demande, mais comment est-ce que le réseau va se permettre de survivre? Donc, Feed est déjà autonome parce qu'il y a une fonction de monétisation particulièrement intéressante, surtout pour justement les artistes. En fait, c'est que tous les utilisateurs peuvent rendre payant l'accès à leur compte. Donc, pour un montant de 1,99 à 34,99, tu peux rendre ton membership payant. Entre autres, Lady Gaga et Rihanna sont déjà là-dessus et chargent les internautes et les membres de Feed, les feeders, pour un accès à leur compte. Donc, ils ont accès à du matériel exclusif grâce justement à cette plateforme-là. Et Feed prélève un montant en commission sur ces... Mais qu'est-ce qu'on dit de plus en tant que Rihanna sur... parce qu'on a déjà une page Facebook, je sais on a pas, déjà moi, un Twitter. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça demande quoi? Du contenu exclusif. Du contenu exclusif, exactement. Exactement. Un paiement, exactement. Mais certains sont prêts à le payer. Je veux dire, on s'entend que les jeunes adolescents américains sont friands de pop culture. Mais en termes de services, de mise en page, pourquoi est-ce que les jeunes seraient plus attirés par feed que par Facebook? Parce que leurs parents n'y sont pas. Ah, et c'est une bonne raison. Parce que, entre toi et moi, est-ce que... finie. Merci, Patrick. Est-ce que vraiment ça t'intéresse d'être sur le même réseau social que ton ado? Ben, je suis pas sûr. Autant juste en tant qu'ado qu'en tant que parent, parce que je suis aussi parent, je suis pas sûr que ça m'intéresse. Je trouve ça bien correct. Ils ont le droit à leur petit univers, à leur terrain. Bravo. Bon, on ira essayer ça. 2 millions d'utilisateurs déjà. Oui, exactement. Feed.com. Et on termine avec Twitter. Justement, on en parlait un peu, qui est rendu hard, semble-t-il. Avec Twitter Music. Bien, console-toi, il est pas hard pour toi et moi. Mais ça fait un an, en fait, que la rumeur circulait que Twitter était pour accoucher d'une plateforme musicale. Ben oui. Exactement. Il avait même acheté, il y a un an, la plateforme We Are Hunted, qui avait d'ailleurs une très, très belle facture visuelle. Donc, maintenant, c'est chose faite. Depuis la semaine dernière, on a accès à la plateforme musicale de Twitter via le music.twitter.com. À quoi ça ressemble? Visuellement, c'est très, très beau. On a le droit, dès qu'on arrive sur la page, on a le droit à des miniatures de différents artistes. Il y en a 140, un petit clin d'œil aux 140 caractères de la plateforme. Et c'est divisé en plusieurs catégories. On a des catégories comme populaire, émergente, suggérée, c'est-à-dire qui se fie à tes choix, parce que tu n'es pas obligé d'être membre de Twitter pour avoir accès à la plateforme. Tu peux écouter n'importe quelle chanson, puis juste sortir du site quand tu as terminé. Mais par contre, si tu es connecté avec ton compte, on te suggère des artistes similaires. Par contre, le downside, c'est que Twitter, au lieu de vendre la musique, ce qui est en fait ce qu'on pensait de tout ce qui était pour faire, ils ont décidé de s'associer avec iTunes pour offrir des extraits de ces chansons-là, des extraits de 30 secondes. Et si on veut écouter les pièces de façon intégrale, il faut être abonné à un service comme Spotify ou RDO, qui malheureusement coûte de l'argent par mois. Comme RDO, Spotify est même pas accessible premièrement au Canada. Et RDO coûte entre 5 et 18 $ par mois pour avoir accès. Donc, finalement, c'est plus une vitrine que propose Twitter Music qu'un véritable site de musique en streaming, par exemple. Ben, en fait, je me demande vraiment à quoi ça sert. Visuellement, comme je disais, c'est très, très beau. Oui, on peut peut-être faire des découvertes, mais encore, c'est des découvertes majoritairement de pop culture. Si tu vas dans la section émergente, il y avait du Grizzly Bear, il y avait du Crystal Castle, c'est des choses que beaucoup de gens connaissent de toute façon. Qu'un mélomane connaît peut-être déjà. Ouais. Ben, exactement. Donc, je ne sais pas trop à qui ça s'adresse. Ici, au Québec, on a une culture assez particulière. Je suis pas certain que c'est vraiment pour nous autres. Mm-hmm. J'ai l'impression que les gens vont aller faire un tour, vont s'abonner probablement à RDO parce que RDO offre un mois gratuit quand tu t'abonnes. Donc, tu peux écouter des chansons en version intégrale. Exactement. C'est pratiquement un catalogue iTunes sur votre téléphone. Là. Ben oui, c'est ça. Puis en fait, ce que je peux voir, c'est que ça va gonfler la banque de membres de Spotify et RDO. À ce moment-là, Twitter aurait peut-être dû acheter RDO. Ça aurait été beaucoup moins compliqué. Merci beaucoup, Patrick. Merci à toi.